marcher près de toi. Tu balades dans les bois. Tenir ta main, te sentir près de moi. Volonté inutile, car jamais tu ne soupires et tu es trop secret. J'ai pas toute ma raison.